I do the flop. All the time, but he couldn't do it right no matter how hard he tried. He had two left feet from an accident of birth, and every time he danced he always fall face first. But then one day as he jumped in the air, everybody turned and looked, and they pointed and they stared. He had a bright idea right before he hit the floor. He shouted, everybody do the flop. A new dance craze was born. Toot toot to the flop. Toot toot to the flop. Everybody do the flop. Toot toot to the flop. Toot toot to the flop. Everybody do the flop. The to the flop guy was a viral sensation. Everybody did the flop across the whole entire nation. He was front page news for his new dance move. Everyone wanted to join in his new dance crew. Then one day things started going wrong. On est donc dans l'émission, la deuxième partie du bilan de 2017. On va faire assez vite parce qu'on a quelques rubriques quand même. Et on veut quand même terminer un petit peu plus tôt que la dernière émission. Donc je suis toujours en compagnie d'Adrien, Eddy et Morgan. On va toujours vous faire notre bilan de l'année. Et cette fois-ci, on va s'attaquer au flop. Ça va fonctionner. On va dire que comme on est pressé, ça n'a pas fonctionné de la même manière. C'est tout le monde va donner tout son flop d'un coup. Voilà, comme ça, ce sera fait. Sachant qu'il y en a qui en ont des plus courts que d'autres. Voilà. Et qu'il y en a que c'est même pas des flops. Oui. Mais en fait... Mais on précisera. Voilà. Eddy, je crois que tu n'as pas de flop, d'ailleurs. Ce sera pour les déceptions. Donc, voilà, comme ça... Donc, je fais même pas de flop. Voilà. On va commencer avec Morgan, qui a 15 flops. Donc, vas-y, je t'en prie, tu commences. Le chieur. Oui, on fait du... Voilà, du... Du très rapide. Du très rapide. Du name dropping. Pardon ? Du name dropping. Allez, en avant, Morgan. Vas-y. Oui, c'est juste qu'en fait, là, je suis en train de meubler parce que je n'ai pas ouvert mon album de flop. Ah, et là, je suis en d'accord. Train de faire... Non, non, okay, vous n'inquiétez pas. Parlez pas de votre vie, ça va très bien. Sinon. Voilà, c'est bon. Sinon, j'ai le mien. Alors, sinon, j'ai le mien. Flop 15. Moi, j'ai un flop 15, voilà. Vas-y. Ça va être rapide à chaque fois. Hein. Alors, numéro 15, Okja. Pourquoi j'adore Bong Joon-ho. Et pour moi, ce mec-là a flirté avec Disney. Ça m'a pas plu. Next. Mm-hmm. Numéro 14, Alien Covenant. Voilà. Craché honteusement sur la mythologie Alien, et en même temps faire un film de SF tout pourri, voilà. Appelé Tonton Ridley Scott, voilà. Tout pourri. Oui, Tonton Ridley Scott, même si son dernier film était pas mal. Numéro 13, La Belle et la Bête. Je n'ai pas vu le Disney, mais j'ai trouvé que, voilà, prendre Emma Watson dans un film pour tenter de faire de la poésie, ça ne marche absolument pas. Ouais, voilà. Bref, tais-toi et va voir le Disney. Voilà, c'est, voilà, pour moi, le film n'est pas bon. Non, mais c'est, va c'est, le voir, vraiment. C'est laid, ça manque de poésie et d'amour. Voilà. Numéro 12, 50 nuances plus sombres. Voilà, inutile. Ah oui. Inutile, graveleux, dégueulasse, malsain. Et puis, le troisième sort cette année, d'ailleurs. Voilà, exactement. Mais j'irai, hein. Ouh là là. Moi aussi, premier jour. Hein, premier jour. Donc voilà, c'est problématique. Et puis ça se vend comme grand public. Numéro 11, Silence. Voilà. Là, c'est purement subjectif. C'est un grand film, si ah on oui, veut. Oui. Mais moi, clairement, oui, je me suis emmerdé. Donc je ne peux pas, je n'ai pas pu, voilà, au bout d'une demi-heure, je regardais déjà l'heure, je n'en pouvais plus, voilà. Numéro 10, ça, super film sur les enfants, il n'y a pas de problème, mais alors moi je suis venu voir un film de genre, je suis venu voir un film d'horreur, et j'ai eu une version, j'ai eu un film qui surfait sur la vague Stranger Things. Alors Stranger Things, c'est bien quand c'est Stranger Things, mais quand c'est au cinéma, ça ne me va pas, moi je suis venu là pour voir non, du malsain. Non, c'est pas bien quand c'est Stranger Things. Voilà. Enfin, la saison 1 n'est pas terrible, mais la 2 est très bien. Voilà, donc pour moi, ça passe totalement à côté de son potentiel horrifique. C'est édulcoré à mort. Et on sent bien que c'est un film qui a été complètement saboté. Rappelons-le que, à la base, c'était Cary Fukunaga qui devait faire le film avec Will Poulter. Ça a été saboté. Qui a été saboté. Oh. J'applaudis. Et en parlant d'un autre sabotage, pour ne pas dire naufrage, numéro 9, Justice League de Joss Whedon et de Warner. C'est pas un film de Warner. Hein? C'est pas un film, regarde. Comment faire rager Adam? Ah non, c'est pas un film de Zack Snyder, ça. Non. Non, mais c'est pas de sa faute. Bon, vas-y, on va pas revenir. Non, mais non, c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. Voilà. Vous écoutez le podcast. Accident industriel, voilà. Le contraire de ce qu'était Wonder Woman quelques mois avant. C'est-à-dire, c'est chiant, c'est laid, y a rien d'épique. Tant de promesses pour que dalle. Numéro 8, Si j'étais un homme d'Audrey Dana, la comédie française dans tout ce qui est de plus problématique et de plus dangereux. Ah, ça se regarde, je trouve. Je veux bien. Pardon? Je trouve que ça se regardait, celui-là. Ah bon? Ouais. Sous les jupes des films, elle avait fait rire. Alors, excuse-moi, tu trouves que Gangsterdam est problématique? Si j'étais un homme, c'est... Voilà. Oui, mais c'est une femme qui l'a fait, quand même, Morgan. Non, t'es pas sérieux, là, quand même. Quoi? T'es pas sérieux, ce que tu dis, si? Non, mais c'est ce que je veux dire, c'est que c'est pas problématique au même niveau. Oui, enfin, bon, quand même, tu peux. Attention à ce que tu dis là, quand même. Hein. Oui, Attention à ce non, que tu dis, doucement. là, je suis pas trop d'accord. Je veux bien être féministe, mais faut pas me prendre pour un con non plus. Hein. Dans ces... Je suis pas. Non. Bon, numéro. Oh putain, Adrien va me tuer. Numéro 7, Kong Skull Island. Mais n'importe quoi, Morgane! Oui, parce que. N'est pas... Oh. Eh, n'est... eh, désolé, n'est pas Peter Jackson qui veut, hein, ce film. Ah bah, c'est justement, c'est bien le problème. Bah, franchement, c'est. J'ai trouvé ça ridicule et too much quoi. Bon, déjà, le film de Peter Jackson est pas. Mais oui! Il est exceptionnel, vous voulez dire. Donc voilà, pour moi, un blockbuster qui avait beaucoup de promesses et franchement, j'ai été déçu parce que j'ai trouvé que c'était totalement désincarné. Il y avait. Je n'ai rien aimé dans ce film-là et pourtant, quel casting! Bordel, il y avait des choses à faire. Numéro 6, The Birth of a Nation de Nate Parker. Ça devait être le grand favori des Oscars, mais il y a eu une polémique. Oui, je l'ai boycotté celui-là. Non, mais à juste titre. Film dégueulasse tant dans ce qu'il raconte que dans ce qu'il enfin dans ses secrets de tournage voilà je trouve que enfin dans ce qu'il raconte je veux dire la façon dont c'est raconté c'est-à-dire que c'est mal mis en scène c'est ridicule au possible cet acteur principal quel réalisateur d'ailleurs il me semble je crois oui voilà réalisateur il joue comme un pied il réalise comme un pied pff, une souffrance numéro 5 Les fantômes d'Ismaël d'Arnaud Desplechin. grand casting. Oh, c'est super, super fin. Ah ouais, c'est fin, c'est très fin, ça se marche. Ouais, non, franchement, ça. Ce cinéaste m'ennuie, je n'aime pas son cinéma, je trouve que. Mais alors, n'y va pas, personne ne veut que t'y ailles, Morgane. Bah, j'y vais parce qu'il y a quand même Charlotte Gainsbourg. Putain, ça. Oh putain, Gainsbourg, apprend cher hein, cette année. Hein. Gainsbourg, c'est vraiment la pire raison d'aller voir un des Desplechin. Marion Cotillard quand même et Mathieu Amalric qui est quand même pour moi un des meilleurs acteurs qu'on a en France. Voilà, et ce mec est un génie et malheureusement voilà ce film je me suis ennuyé tout simplement. Voilà ça okay. Et en plus de ça j'y suis allé avec un handicap. En plus de ça rien du tout tu continues ton flop. Non en plus de ça j'y suis allé avec un handicap parce que bah comme c'est un film qui joue beaucoup sur l'autoréférence bah comme je suis assez néophyte du cinéma d'Arnaud Desplechin du coup bah je partais avec un handicap voilà parce que moi j'ai vu que Trois souvenirs de ma jeunesse et Jimmy P. J'ai pas vu les autres et il me semble qu'il fait référence à ses anciens films donc ça plaira aux convertis mais moi non. Numéro 4 Le Bonhomme de Neige encore un film avec Charlotte Gainsbourg et avec Michael. Non, mais Michael Fassbender, il a eu la pire année de sa vie, hein, qu'on s'entende. Bah, non, l'année dernière, il était quand même assez. Ah, bah oui. Aline non, Covenant, non, quand même. Cette année, Aline Covenant. Mais l'année dernière, attends, il y avait. Aline même... Covenant, c'est le bonhomme de neige, mais qu'est-ce que on parle de l'acteur de Shane. Oui, mais ça avait commencé aussi là, enfin, l'année dernière avec Assassin's Creed. Michael Fassbender est un acteur qui commence, je trouve, il partait super bien. Oui, non, mais. Quoi l'année dernière, il y avait Steve Jobs, qu'est-ce que tu racontes, toi? Mais justement, c'est ce que je dis cette ah année. Bon d'accord. Ah oui, en fait, c'est l'année de merde pour lui. Ouais, non, mais j'ai. Ouais, faut. Je sais pas ce qu'il a. Faut. Voilà. Tout est problématique dans ce film, hein. Vraiment tout. Hein. De la réelle au scénario, y a rien qui va. C'est un gros nanar, mais qui est même pas divertissant. C'est juste mauvais et chiant. Numéro 3, Chacun sa vie de Claude Lelouch. Mais alors, comment tu vas voir un Claude Lelouch en 2018 toi aussi tu te bah fais justement mal, hein. non déjà en 2017 non mais justement je pense que ça c'est un film des années 80 on a retrouvé la pellicule on s'est dit tiens on va le sortir enfin de c'est non mais c'est le mec qui va voir un Claude Lelouch en 2017 non, après mais... il se plaint de le mettre dans son casting il a le droit d'aller voir un film attends Christophe t'avais qu'à pas y aller Christophe bah non parce que moi le j'aimais bien la bande annonce j'aimais bien le casting quand même attends le retour Christophe Lambert Gérard Darmon enfin il y a plein de gens dans ce film là Johnny Hallyday Rip il est mort hein, vous savez pas Jean Dujardin enfin quel casting pour si peu de choses, pour ainsi dire rien. Vraiment, c'est du cinéma extrêmement daté. Comme j'ai dit, j'ai l'impression qu'on a retrouvé une pellicule des années 90, enfin 80 même. On dit tiens, on va le sortir. Les gens même 70, hein, dis-le. ouais, non, mais franchement, c'est vieillot à mort. C'est oh, c'est cheap et c'est chiant. Numéro 2, Les Nouvelles Aventures de Cendrillon. Je ne tire pas sur l'ambulance, mais disons que j'ai une immense sympathie pour Marie-Lou Berry. Je trouve que cette fille est absolument délicieuse et talentueuse. J'adore ce qu'elle est. Et je me suis dit, une adaptation de Cendrillon, elle peut pas aller dans un truc. Elle peut pas être dans un truc qui craint. Et finalement, ça craint à mort. C'est tout le contraire de ce qu'elle est. C'est-à-dire, c'est dégueulasse. Là, si on cherche vraiment des. Enfin bon, après, elle a quand même accepté le truc, hein, donc bon. Ouais, mais je pensais qu'elle aurait pu. je sais pas, il y aura une plus-value, quoi. Mais finalement, pas du tout. Ça continue sur le Aladdin Universe. Alors, Aladdin, à côté de ça, je veux bien que vous me l'offriez. Le Aladdin Universe. Ah, mais ouais, oui, non, mais j'ai vomi dans ma tête, là, non, non, mais c'est vrai, ça. Le numéro 3, ça va être La Belle au Bois dormant ou Blanche-Neige, je sais plus. Et c'est non, il y a Aladdin 2 l'année prochaine. Cette oui, année, oui, cette voilà, année. Et... Aladdin 2. Non, mais vraiment. Je suis très prenez déjà vos places, hein. Et donc celui-là, voilà, tout pose problème, l'humour, enfin franchement, là pour le coup, si on cherche vraiment un film homophobe, on en a un, c'est celui-là. Voilà, je n'ai pas trouvé que Gangsterdam était spécialement homophobe, je vais pas lancer le débat, c'est juste de l'humour un peu trash, là c'est clairement homophobe, mais vraiment, vraiment. Et numéro 1, Happy End de Michael Haneke. Mais là, bien c'est sans l'avoir vu, je peux te dire que c'est n'importe quoi déjà. Ah bah, je peux te dire que c'est fondé. Parce que franchement, ce film-là, c'est rien. Il y a rien. Il se passe rien. Les acteurs ne font rien. Ils n'ont rien à jouer. Tu sens quand même bien que ce mec-là, c'est une caricature de son cinéma. Et voilà, je peux pas dire que Michael Haneke soit le réalisateur qui me fasse le plus d'effet, on va dire. J'aime beaucoup Funny Games. J'aime beaucoup Amour, qui est pour moi son meilleur film. Mais c'est vrai que celui-là, je n'ai pas compris. Alors, j'ai peut-être pas compris, évidemment. Hein, mais Je ne comprends pas ce qu'il y a à me dire avec ce film. Mmh. En tout cas, ce que je sais, c'est que ça a été une torture à regarder. Vraiment. La jeune actrice joue comme un pied. Mais vraiment. En termes de réal, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas de moment de fulgurance. Alors que dans Amour, il y avait des beaux moments où les personnages... Enfin, des chants contre chants très intéressants. Dans Funny Game, j'en parle même pas. C'était assez fou. Mais alors là, c'est... Enfin, c'est ce pourquoi le cinéma français est snobé, quoi. Je veux dire, on dit toujours que le cinéma français c'est chiant et tout, c'est le drame bourgeois et tout, mais là on est en plein dedans. Franchement, j'ai morflé. Hein. Donc voilà. Ok, très bien. Adrien, ton flop. Alors, moi, on va bien rigoler parce que là c'est l'explosion de négativité. Alors, 10e film de mon flop, Le Cercle Rings. Ah oui. Alors là, vraiment, on est déjà au fond de la fosse sceptique, mais vous allez voir, on peut poser. Alors, au fond du cul. J'aime pas parler comme ça de cinéma, hein, mais vraiment, j'aime vraiment pas dire ces mots-là, mais là, vraiment, Rings. Enfin, je veux dire, quand on comprend. C'est toujours pareil, hein, s'il y a d'autres problèmes comme ça dans mon top et dans mon flop, c'est quand on comprend pas une œuvre, ça sert à rien de l'adapter, quoi. Et là, c'est vraiment, c'est ridicule, ça fait jamais peur. Toute la complexité du bouquin de Suzuki est volatilisée. Alors, je veux bien que le bouquin de Suzuki ne soit pas respecté, mais en tout cas, Morgan, le film de Nakata. C'est important, merci. Le film de Nakata, quand même, oublié. Magnifique. Non, non, okay. Vraiment, c'était très mauvais, ça faisait pas peur. Aucun apport dans la modernité. Tu fais un film en 2017, ça devrait être génial. Ouais, c'est censé la être suite... la suite de du la Ring La suite de Ring 2. Ah ok, oh, oui, d'accord. Qui est très mauvais. Oh, oui, qui n'est pas... Non, Ring 2, j'aimais bien, mais non, Ring, c'est épouvantable, faut pas d'accord, aller voir ça, ouais, vraiment. Ouais. 9e, Resident Evil Final Chapter. Alors, je m'étonne qu'il soit aussi... Enfin, qu'il soit même dans mon flop. Enfin, c'est juste parce que c'était pas très bon. Enfin, le problème, c'est que moi, j'aime beaucoup Resident Evil. C'est bon une fois sur deux, mais là, bah, ils ont enchaîné de mauvais, je sais pas ce qui s'est passé. Et donc voilà, donc là c'est vraiment... J'ai l'impression qu'il Paul W. Anderson, il a écouté les fans et on lui a dit « Ok, je mets plus de ralenti ». Sauf que du coup, bah, c'est illisible, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des scènes d'action et comme il n'y a pas les ralentis pour voir ce qu'ils font, bah, on ne comprend rien à ce qui se passe. Voilà, donc ça raconte pas grand-chose, c'est assez ridicule, c'est même pas une vraie fin parce qu'il y a quand même, il lui reste des trucs à faire comme elle le dit et tout ça. C'est assez con, c'est assez mal foutu, l'image est très laide, enfin... Ouais, je sais pas pourquoi, alors que j'avais vachement envie de le voir, là c'est vraiment une déception pour le coup. Ok. Ensuite en 8ème, alors il est bas dans mon flop paradoxalement, parce que par rapport au numéro 2 de mon flop, il est pas si mauvais que ça. C'est Life de Daniel Espinosa, et je pense que déjà Morgan il a compris qu'il était bien. On a compris le numéro 2. Mais tu rigoles ou quoi? Non, non, non, alors c'est un film qui, un, ne raconte rien, deux, quand il essaie de raconter quelque chose, il n'y arrive pas. C'est-à-dire que, voilà, on a cette espèce de monstre extraterrestre qui sort de nulle part, qui a un processus de métamorphose, donc en fait il grandit, un espèce de Pokémon, tu veux. Et voilà, donc ce Pokémon, il va aller attaquer des astronautes là, dans leur navette spatiale, et puis ils sont tous tellement cons qu'ils se font bouffer les uns après les autres, on n'a même pas le temps de comprendre comment ça se fait que ça se passe. Ça me rappelle un autre film, ça. On dirait Doom un peu, tu vois. Ouais, ouais. Donc derrière, voilà, il y a aucune ambition. Visuellement, c'est laid. Ils jouent tous comme des phoques, alors que pourtant, c'est quand même des bons acteurs. Parce que t'as quand même Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson, t'as même Ryan Reynolds. Alors lui, je sais même pas ce qu'il fout là. C'est clair. Là, on ne sait pas ce tous là. Hein. Ils sont tous quelques films. Ils sont tous épouvantablement mauvais. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre, ils cabotinent. Il y a des répliques du genre ils ont un de leurs potes qui est mort, et t'as le personnage de Jake Gyllenhaal qui dit la pire réplique de sa carrière, qui dit ah ouais, quand même, c'est triste de voir un ami mourir. Donc voilà, t'as des trucs comme ça, t'as des trucs descriptifs. Non, mais c'est vrai. Hein. Je vais pas y passer 3 heures, mais Life, voilà, c'était une bonne. C'est bien meilleur Alien qu'Alien Covenant. La mort, bah, justement, ça va venir, Morgan. Alors ouais, ensuite, bon, on a eu la planète des singes suprématie, le problème, il est différent. C'est-à-dire que c'est un bon film en soi. C'est-à-dire que c'est très bien filmé, il y a de l'attention, il y a tout ce que tu veux. Le problème, c'est que quand t'as rien compris à une œuvre, faut pas l'adapter. Et là, en l'occurrence, faire finir le film, je sais pas si je peux spoiler. Non, je vais pas spoiler, ouais. Bah, c'est difficile de pas spoiler parce que c'est mon propos, quoi. Ah oui, ouais. Mais, je vais pas spoiler, juste dire que faire finir le film comme ça, alors que la tradition de la planète des singes a toujours été du cynisme, a toujours été du. De la peur pour l'humanité, là c'est vraiment ça finit comme ça, et heureusement que ça finit comme ça, il y a aucun clin d'œil, c'est incohérent avec le premier film du reboot, notamment on voyait bien la fusée s'envoler dans le ciel et tout ça dans un plan. Voilà, ça finit vraiment de manière cucu, j'ai l'impression que les 20 dernières minutes ruinent le film alors que le film en soi est vraiment pas mal. Donc voilà, là c'est quasiment subjectif dans le sens où voilà, en soi c'est un bon film, mais c'est juste que je trouve qu'il a vraiment rien compris au roman de Pierre Boulle et je trouve ça dommage, quoi. Okay. Derrière, alors là, on va enchaîner deux films Netflix dont je vais parler rapidement. On a d'abord Death Note. Ouais. Alors celui-là, là c'est pareil, dans le genre, j'ai rien compris à l'œuvre originale, ça se pose là. Ouais, bon, alors là, c'est carrément n'importe quoi, les mecs. Pardon ? Non, non. Non, non, alors tu critiques pas Death Note. Non, Death Note, c'est bien jusqu'au tome 6. Excellent manga. Et après, c'est de la merde. Non. Mais bref. Donc là, en l'occurrence, pour te donner une idée, toi, Axel, qui connais un peu, je sais pas si tu l'as vu le film. Non, je l'ai pas vu. Il donne une origine dramatique à Light pour expliquer qu'il soit si méchant. Ah, ça c'est bien. Voilà. Pour te dire le niveau de connerie du truc, tu vois. Et ça ne démérite pas, c'est niveau Dragon Ball Evolution, vraiment. D'accord. C'est-à-dire que c'est aussi mal joué. J'en attendais autant, personnellement. Voilà, c'est ridicule, ça raconte rien, c'est épouvantable. Mais pas aussi épouvantable que Gerard's Game, qui est un autre film Netflix et une autre adaptation, qui est adapté de Jesse. Et alors là, pareil, dans le niveau d'aube, qui a rien compris, ça se pose là, quoi. C'est-à-dire qu'il y a. Non mais je suis désolé, mais je veux dire, il y a aucune idée visuelle, c'est-à-dire que Jesse c'est quand même un bouquin qui jouait pas mal sur le minimalisme pour arriver à faire peur, et là en l'occurrence, tu vois que dans le coin il y a un gros truc noir, et en fait c'est une silhouette et tu vois son visage, il a un peu le visage détruit et tout ça, enfin c'est vraiment, il n'y a aucune subtilité, d'aucune sorte, mais ils en font des caisses, et je me suis forcé à le finir, vraiment. J'ai bien aimé, moi. Je l'avais arrêté. Non, mais ça fait pas. Je sais pas, ça fait pas peur une seconde. Mais j'avais pas envie d'avoir peur. Enfin, c'est un peu le but, quoi. C'est un peu bête, quoi. C'est un peu un film d'horreur, quoi. Et voilà, donc toute la portée un peu du bouquin est volée en éclats, puisque voilà, au début du film, t'avais normalement, c'est elle qui le tue, puisqu'elle lui met un coup de pied dans les roustons quand son mari essaie de la violer. Là, en l'occurrence, c'est juste qu'il fait une crise cardiaque. Enfin, vraiment, il a tellement rien compris à l'œuvre originale, il fait malin, quoi. Donc, vraiment, c'est un film qui m'a énervé. Ça m'a pas autant énervé que Baby Boss. Alors ça, pour le coup, DreamWorks, moi je suis le premier à les défendre. Mais là, c'est juste pas possible de faire un film pareil. Ça n'a aucun intérêt, je sais pas à quel public ça s'adresse. Puisqu'en fait, c'est un film qui a aucune référence. Et la seule référence qu'il a, c'est Seigneur des Anneaux, c'est You Shall Not Pass. Donc si vous ne passerez pas, c'est Gandalf. Il le répète 3 fois dans le film. Ah oui, oh punaise. Voilà. Donc je sais pas à qui ça s'adresse. En tout cas, ça s'adresse pas à moi. Ça s'adresse pas à mes futurs gosses non plus. Je sais pas à qui ça s'adresse. C'est irregardable, c'est laid, mais à en crever. Ça n'a rien à dire, ça n'a rien à raconter. C'est pas drôle. C'est assez vulgaire parfois. Non, next, vraiment. Okay. Là, on arrive dans le sublime parce que c'est mon top 3. alors là, vraiment, là, je pensais pas qu'on pouvait creuser plus bas cette année, mais on a quand même 50 nuances plus sombres. Alors là, celui-là. Mais alors là, j'ai rarement autant ri au cinéma, je crois. Ouais. Donc voilà, si tu veux, je te fais une petite citation qui va te résumer le film. Attention, c'est vulgaire. Y a un moment, mais je cite le film, hein, je le jure. Il y a un moment où Christian Grey, machin, là, pervers narcissique, il sort à Anastasia des boules de geisha. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Oui, à peu près. Des trucs, voilà, sexuels, quoi. Et donc, elle lui dit, je te jure que c'est vrai, hein. Tu vas quand même pas mettre ça dans mon cul quand même. Et là il la regarde avec un air bovin et je jure qu'il lui dit ça. Il lui avec dit, un air bovin. Il lui dit c'est pas pour ton cul. Tout le film est à ce niveau-là. Genre, à un moment, c'est vraiment la meuf, elle le regarde, le mec l'invite au restaurant, elle le regarde avec un air comme ça, en se mordillant un peu la lèvre, elle lui dit « Oui, j'ai très faim », tu vois. C'est vraiment, c'est ce niveau-là. Ah ouais. Et ça ne mérite pas. Alors, à côté, évidemment, t'as le message dégueulasse que les pervers narcissiques, c'est bien et tout ça. Enfin, tout ce qu'on aime au cinéma, j'ai trop hâte que le dernier sorte. Franchement, j'ai trop envie de savoir comment ça va finir. Ouais. Ensuite, bah là, on a niveau destruction de mythe, là, on a dans du lourd, puisqu'on a Alien Covenant. Ouais, et je suis très content de voir ton numéro 1. Mais... Alors là, celui-là, Alien Covenant, c'est vraiment, c'est comment chier sur un mythe, enfin, je sais pas comment le dire autrement. Ouais. C'est-à-dire que vraiment, Ridley Scott, moi j'entends là, les gens, oh mais tu comprends pas, Ridley Scott, c'est un mec, il s'en fout de la vie des fans. Mais d'accord, mais si tu t'en fous de la vie des fans, t'essaies de faire un film cohérent quand même. Je veux dire, t'as le droit de t'en foutre de la vie des fans et de faire ton propre film, mais enfin, fais quelque chose qui tient la route. Ouais. Fais un film, quoi. Là, c'est pas un film, c'est une espèce d'avalanche de beaux plans au début pendant une demi-heure, et après derrière t'as l'alien qui va buter un couple qui baisse dans sous la douche. Enfin, c'est pas Vendredi 13, je sais pas, respectez-vous, quoi. Là, en l'occurrence, c'est vraiment, t'as vraiment des plans en gros plan sur l'alien en plein jour, comme si c'était ça l'intérêt, tu vois, parce qu'évidemment l'alien ça fait vachement plus peur quand c'est en plein jour. MDR. C'est vraiment ça, quand je regardais le film, j'avais vraiment ce sentiment-là. C'est-à-dire que vraiment, Ridley Scott a rien compris. Ouais. Ou soit il a rien compris, mais il s'en fout. Il y a quelque chose, quoi. Non, mais je crois qu'il s'en fout. Mais évidemment, niveau destruction du mythe, au moins Alien Covenant, c'était bien réalisé, tu vois. Au moins, il y avait des beaux plans. Alors que Spider-Man Homecoming, c'est vrai, le pire film de l'année, quand même, j'ai rien vu d'aussi mauvais cette année. Alors là, c'est formidable parce qu'il n'y a pas de mise en scène. Le mec, il a posé sa caméra, il a filmé les gens. C'est vraiment, j'ai l'impression de regarder. Enfin, moi, je te filme un truc, c'est pareil. Hein. Et encore, je crois que c'est même mieux parce que je te fais quand même un peu bouger la caméra. C'est surcoupé. Alors là, on ne prend rien quand Spider-Man y vole, on le voit 2 secondes en l'air, elle est déjà réatterrie en se pétant la gueule. Il n'y a rien du tout. Enfin, au niveau de l'humour, mais au secours, quoi. Je veux dire, au secours, comment tu peux te moquer comme ça des gens, quoi. C'est vraiment ça, c'est-à-dire que j'ai l'impression finalement que Alien Covenant, limite, c'est mieux, tu vois. Parce que limite, parce que Alien Covenant, au moins il essaie, tu vois. Des fois, il essaie, alors que des fois, il y a des beaux plans, tu vois. Alors que là, c'est vraiment, j'ai posé ma caméra, je fais des blagues de poule pendant 2 heures, quoi. Putain, c'était Deadpool. C'est Deadpool, sauf que c'est Spider-Man, là. C'est pas ton super-héros de comptoir, là. C'est Spider-Man. C'est Sam Raimi, quoi, tu vois. Même Mark Webb, je sais qu'on aime pas Mark Webb ici, mais ça, c'est même Mark Webb, tu vois. Là, il y a rien. Moi, j'ai rien contre Mark Webb, j'aime pas son Spider-Man. C'est épouvantable. Donc voilà, bon, là, je vais m'arrêter là parce que j'ai fait mon explosion de négativité pour l'année. Mais là, vraiment, enfin, là, le flop 10, là, pour le coup, 2017, c'était une très bonne année cinéma. Je sais pas si on aura l'occasion de faire un bilan global. C'était une très bonne année cinéma, mais alors là, les mauvais films, c'était mauvais, mais en crevé, quoi. Voilà. Ok, très bien. ça va être dur. Donc moi j'ai fait un flop 5, voilà, comme j'ai dit, j'ai pas vu non plus énormément de films cette année. On va dire que le 5e, c'est un peu, il est passé vite fait, quoi. Vraiment, il m'a pas vraiment énervé, c'est pas quelque chose que, c'était juste dommage de voir ça. Donc c'était Cessez le feu. Je sais que vous avez déjà oublié ce film. Moi aussi d'ailleurs. C'était avec Romain Duris, rappelez-vous. Pendant la Première Guerre mondiale, voilà, quand on pensait que c'était le seul film sur la Première Guerre mondiale français qui allait sortir cette année, finalement il y a Au revoir là-haut qui est venu lui rabattre son claquet. Voilà, Cessez le feu, c'était pas très intéressant. C'était mal joué et c'était vraiment dommage, voilà. Quatrième, Spider-Man Homecoming, je l'ai pas mis aussi haut que Adrien. Je l'ai pas mis aussi haut qu'Adrien, mais voilà, il m'a quand même vraiment assez déçu. En même temps, j'en attendais pas non plus énormément parce que je savais ce que j'allais voir avec la bande annonce, j'en ai déjà parlé. Ouais, moi j'essaie toujours d'y croire, tu vois. Mais oh la vache. C'était vraiment dommage de voir ça et j'espère qu'on ne le verra plus de cette manière. Mais bon, c'est un peu mal. MDR, accepte. C'est un peu mal parti. Pendant 20 ans, mec. 20 ans. En tout cas, voilà, Adrien déjà dit pas mal de mal sur le film, donc je pas non plus aller lui cracher dessus. Et encore, écoutez l'émission de l'été où on en parlait, parce que là j'étais assez gentil, franchement. En troisième, parce que c'est vraiment. On en a fait des caisses pour pas grand chose, pour un film qui fait vraiment pas peur. Ah que non. Franchement. Quand on m'a vendu ça, franchement, je me suis dit, bon, ben, je vais aller au cinéma, je vais y croire un petit peu, je vais peut-être être surpris. Et finalement, c'est vraiment tout ce à quoi je m'attendais. Il y a aucune surprise. C'est plan-plan. Voilà, il y a aucune originalité. Et je trouve que même, alors même si c'est vrai que j'avais dit que j'aimais pas trop même le bouquin ça parce que je l'avais relu et je trouvais qu'il était pas non plus hyper génial. Par rapport au film, c'est 100 fois mieux quand même. Hein. Donc voilà. En deuxième, Alien Covenant. Voilà. Parce que je crois qu'on a déjà tout dit. En plus, moi, vraiment, je crois qu'on est tous les trois là avec Morgan et Adrien. On adore Alien, vraiment. C'est... On n'est pas des haters, surtout. Moi, je veux dire Prometheus, j'ai jamais craché dessus. Moi aussi, quoi. C'est ça. Moi, j'avais bien aimé Prometheus à sa sortie. Voilà, j'ai jamais craché dessus et j'étais content d'aller voir Alien Covenant, franchement. Je m'attendais vraiment à quelque chose de bon. Et alors là, c'était vraiment tombé d'un immeuble. C'est qu'un bon bitume, bien sûr. C'est bien ça, dur, c'est ça. Vraiment, vraiment, quoi. C'était assez violent. Et bah, j'espère ne plus jamais revivre ça. Mais malheureusement, je crois qu'il va en faire un troisième. Donc, et on n'est pas à l'abri, ouais, on n'est pas à l'abri de cette suite. On va encore voir un androïde. Essayer d'être plus malin que des humains ou des ou surtout des humains essayer d'être plus ouais voilà c'est ça ouais c'est plus ce que je voulais dire ouais et surtout le twist de fin qui est vraiment la pire merde jamais mis sur mais c'est le même twist que Life mec c'est honteux le plagiat d'Alien il a le même twist que le vrai donc voilà c'est dommage pour cette saga qui partait tellement bien et qui était tellement bien voilà, maintenant je vais me faire moins d'amis, je sais que Adrien ne va plus être avec moi sur ce coup-là. Ah merde, non, numéro 1 ah ouais, je suis désolé, parce que je me suis vraiment ennuyé en fait, j'ai rien retenu du film ouais. Et ça m'a juste déçu, donc Justice League, on en avait parlé dans le dernier podcast, c'est vraiment... Ah, t'es dur quand même. Je sais que je suis, ouais. Franchement, je sais que je suis dur, et en même temps, en le disant, je me dis c'est vraiment... Parce que Alien Covenant, il m'a vraiment enragé quoi. Et tu vois, quand je suis sorti de la salle, je me suis dit, c'est pas possible quoi. Alors que quand je suis sorti. Moi j'étais bien vénère aussi, voilà. Je me souviens. Ouais. Alors que quand je suis sorti de Justice League, c'était juste, bon bah, tant pis. Voilà. Et j'ai plus rien retenu. J'ai rien retenu. Voilà, c'est dommage, franchement. Moi, j'étais pas non plus à casser le film avant qu'il sorte, loin de là. Je disais que les bandes annonces me tentaient pas, mais que j'allais quand même le voir. Mais voilà, c'est juste dommage. Et bon, c'est vrai que c'est un peu chaud quand même de le mettre au-dessus d'Alien Covenant. Bah oui, parce que c'est loin d'être une dope. Quoi, voilà. Je veux dire. Alors, on va dire qu'on peut interchanger franchement entre Alien Covenant et Justice League parce que voilà. Non, ah, tu me fais plaisir. Quand même, Alien Covenant. C'est vraiment pour me non, faire mais, plaisir. Non, mais en repensant à Alien Covenant, c'est vrai que c'est vraiment. Enfin, voilà. Mais Justice League, c'est dommage. Quoi. Voilà! On passe tout de suite après cette belle explosion voilà. de négativité on va passer rapidement sur les surprises jingle. Voilà, donc vous avez eu jingle. On va passer tout de suite aux surprises, donc ça va être assez rapide. Donc on va commencer avec Adrien pour ses surprises de l'année. Ouais, alors moi c'est un peu rigolo parce qu'en fait mes surprises, j'en ai deux, je les ai construites pendant qu'on a fait l'émission. Mm-hmm. Parce que jusqu'ici en fait c'était des reprises de mon top tout simplement. Et là en fait je me suis rendu compte qu'il y avait des films que j'avais pas cités. Ouais. Et dont j'avais bien envie un peu de parler quand même, donc j'en ai que deux. Ouais. C'est pas hiérarchisé du tout. Non, hein. Mais y a pas d'abord de ça. Ouais. Parce qu'en fait, le voir dans les flops, ça m'a fait me dire, putain, ça me fait chier quand même, parce que moi je l'aime bien, tu vois. Ouais. Donc en fait, voilà, j'y allais, mais j'avais aucune envie de voir ça, j'aime pas vraiment le bouquin, je déteste au plus haut point le film, le téléfilm, le téléfilm ouais. Là, avec machin, là, avec Tim Curry. Tim Curry, ouais, c'est ça. Tim Curry. Tim Curry. Je cherche un mot avec la. Tim Curry. Voilà, Tim Curry, c'est ça. Non, mais du coup, et là, bah, j'y allais. Je trouve qu'en fait, oui, c'est vrai que c'est un peu bête comme film et que c'est pas très bien foutu et que ça s'enchaîne mal et que c'est trop long. Mais je trouve que moi, ça m'a bien surpris parce que je trouve que du point de vue du traitement de l'image, c'est quand même très très c'était, beau. Ouais, c'est un des seuls trucs que. Dans je... le sens où moi, je trouve que la séquence du tableau, notamment, c'est du pur Muccietti. Parce que Muccietti fait beaucoup de références à un peintre qui s'appelle Modigliani. Ouais. Et dans ses monstres, il fait énormément de références à ça. Ouais, et bah, Mama, dans Mama, notamment, c'était déjà un spectre qui était construit avec le faciès de peinture de Modigliani. Donc là, en l'occurrence, dans la séquence du tableau, notamment dans ça, il y avait vraiment une reprise de ça. Et c'est ce qui m'a fait dire que c'est pas un film si charcuté que ça. Dans le sens où je vois quand même la patte d'Andy Muccietti. Ok. Le problème, c'est que c'est pas un réalisateur qui a aujourd'hui beaucoup d'importance et c'est pas quelqu'un qui a eu le temps de faire ses preuves, ce qui fait que sa patte elle est reconnaissable parfois. Mmh. Mais je pense qu'il a quand même un style assez anonyme et c'est ce qui fait que le film a l'air charcuté. Mais je pense pas qu'il le soit tant que ça. D'accord. Donc, moi, c'est un film que j'aime bien, qui m'a fait plutôt peur. Ouais. Et que voilà, que je recommanderais, j'irai voir le 2 avec plaisir. Donc, en soi, c'est plutôt une surprise parce que j'en attendais rien. Mmh. Et le deuxième, et là, ça va vous faire bien plaisir à tous, et je suis un bon élève, je rentre bien dans le rang, c'est La La Land. Ah, voilà. Parce que j'en attendais strictement rien. J'aime beaucoup Whiplash, mais la promo de La La Land, ces trucs épouvantables, non, genre, oui, c'est le meilleur film de l'année, c'est Iman Khan, machin truc, moi ça me sort d'un film. Mm-hmm. J'y suis allé quand même, et je me suis surpris à plutôt bien aimer ça. Okay. Alors je trouve qu'il y a des problèmes, je trouve qu'on cite beaucoup les scènes de danse, alors que pour moi elles sont pas réussies. Je trouve que notamment la scène de l'autoroute au début, enfin, ils gardent tous leurs pieds, quoi. Mais je trouve que ce qui est à retenir du film, c'est pas tant les chansons et c'est pas tant ces séquences-là, que vraiment le final et le côté un peu désespéré du truc, quoi. Mm. Vraiment l'aspect, c'est pour ça que je préfère Whiplash, parce que Whiplash, dans la mise en scène, il y avait une certaine cohérence dans le film, alors que là, je trouve c'est que brutal, la cohérence... C'est Whiplash. Ouais, c'est ça. Alors que là, La La Land, je trouve que la cohérence du film, elle est quand même limite, quoi. Mais c'est-à-dire que je trouve qu'il dit quasiment le contraire au début et à la fin, et je trouve que c'est pas un film qui est très adroit, en fait. Mm. Mais j'ai vraiment passé un bon moment... C'est très bien filmé, c'est très bien mis en scène, il n'y a aucun souci là-dessus. Et j'aime vraiment beaucoup la fin, donc quand même, voilà, je vais citer La La Land et je vais en dire du bien, parce que bon, je ne suis pas quelqu'un de si sans cœur que ça. Très bien. Et voilà, c'est la fin de mes surprises, j'en avais que deux. Très bien. Morgane. Moi, j'ai trois surprises. Vas-y. La troisième, c'est pas un film que j'ai, voilà, mais je le cite en bonne surprise, c'est Les Proies de Sofia Coppola, parce que j'ai un. C'est vrai que tu n'aimes pas Sofia Coppola. J'ai du mal avec son cinéma et en fait, je me suis laissé embarquer par cette jolie histoire. Je trouve justement, alors pour le coup, voilà, le prix de la mise en scène est vraiment, vraiment, vraiment mérité. J'ai été vraiment subjugué. Je trouve le film magnifique. Jeu de lumière somptueux, actrice divine. Bon, après je bute un peu sur. C'était sur, déjà le cas dans Virgin Suicide. Hein, je vous me permets. Non. je bute un peu sur l'idée que Colin Farrell arrive à émoustiller des jeunes vierges. Parce que, tu rigoles ou quoi? Non, franchement, moi, il me fait que dalle. Hein, franchement, pour moi c'est. Morgan, tu n'es pas une jeune vierge. Même à l'époque où je l'étais. Oui, mais quand même, il est un beau mec. Ah non, moi je suis pas fan du tout. Non, non, non, non. Si, il est pas fan mal. De Colin Farrell non plus. Je préfère Colin Firth d'ailleurs. Pour parler des autres Colin. Ah oh bah non. Ou Colin d'Alaska. Colin Maillard. Colin d'Alaska. Colin d'Alaska. Bon, ça suffit. Numéro 2. Numéro 2. Attendez, j'avais. Attendez, où j'ai perdu le fil? T'en avais 3. Oui, j'en avais 3. T'en avais 3. Maintenant, tu passes au 2. Hein. En général, entre le 1 et le 3. Bon. Ah, voilà, oui, numéro 2, évidemment, pas trop Wonder, de surprise, Woman. Quoi. Wonder Woman. Wonder Woman, parce que quand on sait que, bah voilà, ça, c'est pas du tout mon style de film. Je parle pas des films de super-héros, c'est pas mon univers, en fait. Moi, le côté. Fantastique. Pardon. Même le côté. On en avait parlé avec Eddie, hein, le côté heroic fantasy. Enfin. L'univers Wonder Woman à la base ça aurait dû m'emmerder, mais ça m'a passionné. J'ai adoré ce film. Voilà, je l'ai trouvé généreux, avec ce qu'il faut de. C'est épique, des grands moments iconiques. Et Gal Gadot, pour moi, c'est une des meilleures prestations de l'année, parce que je trouve vraiment ce qu'elle fait avec ce personnage là, c'est juste génial. Voilà, elle la modernise. Et numéro 1, surprise, pas parce que je pensais ne pas aimer, mais parce que je pensais m'en foutre, c'est le film Patient, réalisé par Grand Corps Malade. Et bah j'y suis allé, mais vraiment en me disant, bof, j'y vais, mais franchement, Grand Corps Malade, voilà. Et finalement, il y a beaucoup de bonnes idées de mise en scène. Et en plus, ça se tient, et en plus, c'est drôle, et en plus, c'est émouvant. Et franchement, c'est un joli, joli, joli film. Voilà, il a été bien reçu. On n'a pas parlé des masses, mais c'est un film que je saurais trop vous conseiller parce que si vous aimez les histoires tendres. Ouais, je sais pas pourquoi je suis pas allé à celui-là, je pense. Un casting, j'ai envie de dire flambant neuf, parce que moi j'en connais aucun. Ils sont tous très bons. Et surtout, voilà, c'est un autobiopic, c'est un autobiographie de Grand Corps Malade, quoi. C'est sa vie à lui, mais il a changé quelques trucs pour éviter que ça fasse trop auto-centré. Donc la démarche est très, très, très louable. Et le film se tient. C'est un film rempli de tendresse, j'ai adoré, émouvant. Et franchement, en termes de mise en scène, eh ben, il y a des choses. Okay. Vraiment, pour un premier film, c'est épatant. Donc, grande surprise. Très bien. Eddie ? Alors, moi, c'est un top 5 des bonnes surprises. En cinquième, j'ai mis ça, de Andy Muschietti. Mm-hmm. Parce que, moi, j'avais vu le téléfilm il n'y a pas si longtemps. J'avais pas détesté. Et j'avais quand même quelques craintes, en fait, sur... Enfin, j'avais même assez bien aimé le téléfilm, mais il était très, très imparfait. Mm-hmm. Mais j'avais quelques craintes, du coup, sur l'adaptation ciné. Notamment sur le clown, en fait, parce que le clown d'emblée, c'était un design de clown qui faisait peur, en fait, c'est pas un clown rigolo, là où Tim Curry justement était plus ambigu, en fait, donc j'avais peur que ça fonctionne pas. Alors c'est pas ce qui fonctionne le mieux dans le film, mais je trouve que le film, ça va, il y a pas de... j'ai bien aimé tout le traitement sur l'enfance. Ça fonctionne assez bien, donc voilà. Moi, ça a été quand même une bonne surprise. Okay. Donc, j'ai pas trouvé ça ouf non plus, mais j'attends la suite et j'espère qu'ils feront les bons choix de casting pour les enfants adultes. Mm-hmm. Numéro 4, Annabelle 2, La création du mal de David Sandberg. Mm-hmm. Parce que Adrien et Morgane me l'ont bien vendu. Moi, j'avais pas aimé Annabelle le premier, et là, c'est vrai que j'ai trouvé qu'il y avait de vraies prises de risques, et c'était bien glauque comme il fallait, donc non, j'ai bien apprécié. Numéro 3, La Belle et la Bête de Bill Condon, mm-hmm. parce que j'adore le film d'animation, et même si je l'attendais, j'avais quand même peur qu'il se craque avec le film, et non, j'ai trouvé que ça fonctionnait bien, que les nouvelles chansons étaient bien aussi, mm-hmm. Surtout en les réécoutant. Et donc j'ai bien aimé. Numéro 2, Star Wars, Les Derniers Jedi. Pour la prise de risque, hein, principalement. Mm-hmm. Bien sûr, le film a ses défauts aussi, mais j'ai beaucoup aimé quand même. J'aime les directions que ça prend. Et pour un huitième épisode, je trouve que ça se renouvelle quand même plutôt bien. Et j'aime surtout ce que Rian Johnson laisse à J.J. Abrams pour le 9e. Ça va le forcer un peu à explorer trucs qu'il n'a pas l'habitude de faire, et c'est bien, ça va peut-être le forcer à être un peu plus original. Donc voilà, numéro 2. Et en premier, j'ai mis La La Land, parce que c'est quand même une grosse surprise pour moi, qui était persuadé de ne pas aimer, donc finalement c'est assez logique de le mettre en premier. Ouais. Donc pour tout ce que j'ai dit dans la première partie du podcast, moi ça a été une bonne surprise. Je pensais pas aimer ce film là et j'ai trouvé ça très très bien. Très bien. Alors d'ailleurs je suis surpris de pas vous avoir entendu Adrien et Morgane sur Jigsaw, hein, alors que vous me l'aviez énormément vendu l'année dernière, le mois dernier. Le problème c'est qu'il est très bien, mais qu'il est pas assez bien pour être dans un top. Et d'un autre côté, c'est pas une surprise parce que je savais qu'il serait bien. D'accord. Okay. Oui, voilà. Donc c'est vrai qu'il a juste pas sa place. En revanche, j'aurais pu citer Seul aussi, qui était une bonne surprise, mais je l'attendais quand même. Non, c'est pas une surprise Seul en fait. Je savais que j'allais voir un film qui allait me plaire. Donc voilà. Mais les trois films que j'ai cités, je pensais vraiment pas que j'allais pas aimer. Enfin, Patient, je m'en foutais. Mais alors Les Proies, je pensais que j'allais m'emmerder. Et puis Wonder Woman, j'en parle même pas. Voilà. Merci de l'avoir cité, Axel, parce que nous on va dire qu'effectivement il est à voir, mais c'est vrai qu'il avait pas vraiment le place. Mais vous m'avez donné envie de voir Saw, alors que jamais de ma vie j'ai envie de voir Saw. Non, mais il est bien, vraiment il est bien, mais c'est juste que il y a juste eu des meilleures choses cette année, quoi. Très bien. Moi, mes surprises, trois surprises. La troisième, un film que Morgan était déçu. Je pense qu'il sera dans ses déceptions, j'imagine. C'est Kingsman, le cercle d'or. Il est bien Kingsman, Jimmy, 4/5, mais ça m'a pas marqué okay, comme le. D'accord. Non. Ok, donc Kingsman, dans les surprises, parce que moi, le premier, on l'avait trop vendu, on l'a raconté 3000 fois l'histoire, et le deuxième, du coup, je suis allé sans aucune attente et j'ai passé un très bon moment, donc voilà. Sans plus. Il est sympa, c'est un bon divertissement à regarder. Voilà. Le deuxième, La Belle et la Bête, parce que je m'attendais pas du tout à aimer. Du coup, le film m'a surpris. Oui, moi je le mets dans les surprises aussi en fait. Je parle pas parce que vous en avez bien parlé, mais c'est vrai qu'il est bien ce film. Ouais. Pas mis de... Non, franchement, tout le côté comédie musicale qui est vraiment bien traité aussi. L'adaptation en live est aussi. Elle est minutieuse et elle est très respectueuse du film d'origine. Et en même temps, elle se permet de prendre des nouveaux. Elle se permet de prendre un. Ah! tu vas y arriver avec oui celle-là. je vais y arriver il se permet de faire des choses qui n'étaient pas dans l'œuvre originale, La Belle et la Bête, et ça c'est, mm-hmm. c'est plaisant, voilà. Donc moi ça m'a plu et j'ai été surpris, et on en a parlé dans le podcast hors série La Belle et la Bête de cette année, voilà. Donc si vous voulez aller réécouter, c'est très bien, voilà. ensuite la première surprise, c'était Wonder Woman, comme je l'ai déjà dit. Et comme Morgan l'a déjà dit aussi, c'était un film, j'en attendais pas grand chose, et il m'a vraiment surpris. Je pense qu'il a surpris énormément de monde, hein. On n'a pas été les seuls à être surpris de ce film, et ça vaut vraiment le coup. C'était un très bon film de super-héros, vraiment. Voilà. On a fini avec les surprises, on passe tout de suite au jingle des déceptions. This song is about deception. Dreams just don't come true, but I am the rare exception. I'm skinny and pretty and cute. On est donc aux déceptions et on va commencer avec Adrien, pardon. Voilà. Je t'en prie. Alors déception, pareil, hein, j'ai un peu construit ça pendant le podcast. Il y a La Planète des Singes, Suprématie, j'ai déjà dit pourquoi. Donc voilà, je repars rapidement, mais voilà, j'en parle pas en fait. Alien Covenant, j'ai aussi déjà dit pourquoi, mais c'est pas du même niveau de déception, du même niveau de trahison. Ouais. Là, Morgan va un peu me détester, mais j'ai mis Split. D'accord. Parce que c'est pas mauvais au point d'aller dans un top, vraiment pas. Bah mais pour moi, c'est. Je trouve que The Visit est limite plus réussi parce qu'au moins il y a des idées de mise en scène. Là en l'occurrence, je trouve que c'est un film qui est un peu petit. Je trouve que ça dit pas grand chose. Je trouve qu'il n'y a pas une tension formidable. C'est très très bien joué en revanche. Ah bah oui. Je trouve que c'est un peu prétentieux. J'adore les bruits de réaction. Et donc voilà. Moi mon problème avec Split, c'est qu'on me l'a tellement vendu comme un grand film, mais finalement je trouve que c'est juste un film sympa quoi. Mais donc voilà, pour moi c'est. J'aime bien ça, mais c'est pas une attente formidable. Ok. Et là, Axel, je pense que je vais jamais être invité, mais voilà. Ah non, mais je savais que tu l'avais pas aimé, donc il n'y a pas de souci. Hein. Alors attention. Oui. C'est pas que t'as été déçu par le film. Ouais. J'ai bien aimé Baby Driver, mais le problème c'est que je trouve que du point de vue de l'univers visuel, clairement il y a pas grand chose. C'est-à-dire qu'il s'est beaucoup focalisé sur l'univers, je dirais musical, et sur le montage, ce genre de choses. Et je dirais que moi, ce que j'aime chez Wright, c'est quand il fait Dernier peu avant la fin du monde, ou Scott Pilgrim, tu vois. Oui, je comprends parfaitement. Là, en l'occurrence, je trouve que c'est un peu, t'as beau faire des montages formidables sur des mecs qui roulent dans des parkings, ça reste des mecs qui roulent dans des parkings, quoi. Donc là, en l'occurrence, c'est vrai que t'es un peu déçu de ce point de vue-là, et je trouve que le traitement des personnages féminins dans le film. Alors là, j'ai l'impression que Wright, on n'en parle pas beaucoup ici, c'est pour ça que c'est pas à vous que je m'adresse, mais même sur Twitter et tout ça, je trouve qu'on a souvent tendance à dire que les personnages féminins sont maltraités, machin, ou il n'y en a pas beaucoup. Là, en l'occurrence, je ne sais pas si Wright a un laissé-passer, mais moi, je le dis clairement, les personnages féminins le plus potiche de l'année, c'est là-dedans. C'est vraiment la princesse à sauver, j'ai pas d'autres mots. C'est vraiment... je trouve que de ce point de vue-là, Wright, il se fout un peu de la gueule du monde quand même. Bah, elle a joué Cendrillon, hein. Parce qu'il, oui, mais il est capable de. Si tu veux, Wright est capable de créer un personnage comme Ramona Flowers, si tu veux, enfin de créer. Ouais. De mettre des personnages comme Ramona Flowers dans ses films, je trouve que là, clairement, le rôle de princesse à sauver, ça va deux minutes, quoi. Donc là, en l'occurrence, c'est vrai que c'était une énorme déception de ce point de vue-là pour moi, le film. D'accord. Mais à part ça, voilà, j'ai quand même passé un bon moment. C'est vrai que c'est très très bien monté quand même. Ça dit vraiment quelque chose par le montage et comme Whiplash pour le coup. Et là, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Mais donc voilà, c'est une déception parce que je m'attendais clairement à mieux. Ouais, non, mais il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Allez, Morgane, déception. Alors, numéro 3, Tunnel. Voilà, j'attendais énormément ce film, sud-coréen. Voilà, j'aurais voulu voir un dernier train pour Busan bis, voilà. Mais finalement, je me suis vraiment, vraiment emmerdé. Tais-toi, t'as pas aimé Split, toi. Et numéro 2. Bah, avec un dernier train pour Busan, t'aurais pas eu un film de ouf non plus. Hein. Ah bah non, si. même un mauvais si, film. Si, si. Numéro 2, Valérian. Voilà, je croyais beaucoup en ce projet. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui y croyaient. Oui, non, j'y croyais parce que. Moi, je veux bien qu'on ait des déceptions, mais il y a un moment, il faut aussi modérer ses attentes. Non, j'ai pas dit que je l'attendais, j'ai dit que j'y croyais. Bah oui, mais. Et je croyais en ce film, même si je l'attendais pas spécialement. Mais vraiment, j'avais envie d'y croire parce qu'il y avait encore une fois beaucoup de promesses. Malheureusement, bah, voilà, c'est les travers de Besson. Voilà, chassé naturel, il revient au galop. De qui était derrière, quoi, c'est ça. Voilà. Non, bah justement, c'est ça qui m'avait motivé et j'adorais l'ambition derrière, mais le problème c'est que le résultat n'est pas à la hauteur de l'ambition même du projet. Et numéro 1, de l'ambition, mais... une déception très très récente, Santa et compagnie d'Alain Chabat. Oula. Voilà, pour moi le génie de la comédie c'est un peu ça, je l'ai un peu senti, je l'ai pas vu celui-là parce que j'ai un peu senti, je te... Bah le problème c'est que voilà, le mec qui a fait Astérix, la piste ça sent la piste le sapin du Marsupilami, voilà, ça sent le sapin, j'ai vraiment les boules. Même le Marsu, j'aime pas trop. Le Marsu, j'adorais, même visuellement c'était beau, enfin en plus premier film français en IMAX quand même, c'était magnifique et puis c'était drôle, mais là non, c'est une comédie pour enfants et avec des gags enfantins. Enfin, après, la comédie pour enfants, c'est pas forcément un mauvais genre. Oui, non, bah mais non, c'est pas ça, mais le pas problème, c'est. Shabbat, quoi. Voilà, moi, pour moi, Astérix, c'est tout public. Voilà, c'est ça qui est bien chez Chabat. Tu peux rire de tout. Le Marsupilami, c'est pareil, c'est une comédie d'aventure. Il cite Avatar et tout. Il y a des trucs qu'on peut comprendre par qu'on soit petit. Le Marsupilami, c'était pas ouf. Moi, j'aimais bien le Marsupilami. Moi, j'aime pas beaucoup non plus. Hein, mais là, c'est que de la comédie pour enfants, un humour enfantin, mais vraiment, ça fait strict minimum. Alors, puis Audrey Tautou complètement borderline, faut le voir pour le croire. Donc, non, vraiment déçu. Bon, c'était déjà le cas dans Éternité, non? Oh mon dieu! Ah oui! Allez, Edith. Les déceptions. Flop, c'est à toi. Bah oui, donc moi c'est. Bah, déjà d'emblée, je vous le dis tout de suite, hein, y a pas Valérian parce que j'en attendais rien, donc oui, j'ai pas pu oui. être déçu. Bah oui, c'est ça, c'est le problème, c'est que. Ouais. C'est QFD. Alors, numéro. Oui, bah moi non plus. Moi non plus, je ne suis pas allé le voir. Numéro 5, Resident Evil, chapitre final. Ouais, c'est pas très bon. Parce que, bon, bah, je sais que c'est pas une saga exceptionnelle, mais moi j'aime bien. Et je pensais que pour le dernier, justement, il allait se lâcher comme il a l'habitude de faire, qu'il allait lui faire du grand n'importe quoi, mais que ce serait fun. Et je me suis bien fait chier. Ouais, c'est sobre. Hein, et je pensais pas m'emmerder devant un Resident Evil, en fait. Donc, ouais, c'est ça qui m'a déçu. Puis la fin est pas ouf, quoi. Numéro 4. Et alors là, par contre, ça a été beaucoup plus dur. Silence, de Martin Scorsese. Ah, mais là, parce que moi, je comprends pas, là, vraiment. Mais moi, j'adore Scorsese. Et j'aime... Je comprends son questionnement personnel sur la spiritualité. Mais du coup, c'est peut-être trop personnel en fait. Et moi, ça m'a perdu. Et clairement, je me suis ennuyé. Je trouvais ça très long parce que j'ai jamais réussi à rentrer dedans. Alors que pourtant, c'est beau. Hein. Les décors naturels et tout, c'est beau. Les acteurs sont bons. Mais le sujet m'a clairement pas captivé. Numéro 3, Mother de Darren Aronofsky. Pour toutes les raisons que j'ai évoquées. Ouais, voilà. Voilà, un Aronofsky, forcément, je l'attendais quand même plus ou moins, parce que c'est un réalisateur que j'aime bien. Et là, bah voilà, quoi, première partie réussie, la deuxième, c'est n'importe quoi, ça, donc bref. Numéro 2, Rock'n'Roll, de Guillaume Canet. Tu l'as pas dit, Morgan, et ça m'étonne aussi. Bien. Parce que bah, Guillaume Canet, moi. J'attendais pas tant que ça, mais oui, j'aime plutôt bien. Flop, Ah, si ça vous dérange que je donne mes déceptions, vous me le dites. Oui, non, il n'y a pas de souci, mais c'est juste que tu l'avais tellement détesté que. Ah oui. Enfin, Morgan m'en avait tellement parlé comme quoi c'était vraiment de la grosse merde que je l'attendais au moins dans l'enveloppe, mais c'est pas grave, vas-y, continue. Bah, du coup, moi, c'est vrai que Guillaume Canet, j'aime plutôt bien en fait tout ce qui est les petits mouchoirs et compagnie, même le Ne le dit à personne, je trouve que c'était un bon thriller. Bah là, Rock'n'Roll, je me suis dit, oh, ça peut être fun s'il y va à fond, en fait, sur le côté bah, réalisateur qui pique sa crise et tout. Et en fait, c'est chiant, c'est pas intéressant. Et justement, il va pas assez dans la folie, en fait. Donc, non, je trouvais ça plan-plan. Et numéro 1, et là, c'est pareil, ça a été une grosse désillusion parce que j'adorais le premier film de ce réalisateur. C'est Nocturnal Animals de Tom Ford. Oh oui, mais c'est le seul film de l'année que j'ai quitté pendant la séance. C'est pour ça que c'est pas. Ah mais moi ouais. J'ai totalement détesté parce ouais. que le problème c'est que le film est juste beau en fait. Non, mais même du point de vue de la gratuité, là, ça se pose là aussi. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Et en fait, j'ai pas du tout compris où il voulait en venir. Enfin, si. Je comprends là où il veut en venir, mais c'est vain en fait, ça sert à rien. Et même les acteurs sont pas excellents. Voilà. Alors que A Single Man était vraiment, mais vraiment magnifique. Et c'était bouleversant quoi, A Single Man. Et je m'attendais vraiment à quelque chose de la même trempe. Et alors là, non, la grosse douche froide là, vraiment. Donc c'est pour ça que je le mets premier, parce que je pense que de tout ce que j'ai vu cette année, c'est ce qui m'a le plus déçu. Ok, très bien. Moi c'est 3 déceptions du coup. Le troisième c'est Django avec Reda Kateb, du coup le film que tout le monde a oublié déjà aussi, mais moi j'en attendais pas mal parce que j'aime beaucoup Reda Kateb. Ah, Django Reinhardt. Oui, Django Reinhardt. Django Reinhardt, oui, non, Django Reinhardt, c'est complètement autre chose. Pas... Non, non. Pardon. Oui, voilà, Django Reinhardt, c'est un artiste que j'apprécie énormément. J'en attendais pas mal et finalement bah, ça me fait juste un bon petit film vraiment très très moyen et c'est dommage quoi, ça aurait pu être un très bon film et ça fait juste un film moyen, voilà. Ensuite en deuxième, je sais que Morgan va me détester à partir de ce point là et j'en suis désolé parce que c'est pas un mauvais film, je tiens à le dire avant de dire le titre, je dis ce n'est pas un mauvais film mais j'ai été déçu, voilà. Dunkerque. Ce n'est pas un mauvais film. Ah, ouais. Non, mais t'as le droit d'être déçu. J'ai été vraiment déçu parce que j'en attendais peut-être beaucoup trop. Parce que pour moi, j'avais tellement adoré Interstellar que je me suis dit, bon, c'est bon, il est parti pour un truc vraiment épique. Enfin, voilà. Et je comprends le principe, je comprends tout, que ce soit dans la sobriété, je respecte tout ça. Et je veux pas non plus qu'il fasse un grand spectacle, c'est pas ce que je lui demande. Mais moi le souci au niveau de Dunkerque, c'est au niveau sonore. Ça m'a cassé la tête au bout de 20 minutes parce que c'est que des basses. Quasiment, il y a que des basses et quand on entend que des basses, et ben ça au bout d'un moment, ça nous rentre dans la tête et on en peut plus quoi. C'est même pas de la musique quoi. Et je pense que le fait qu'il y ait cette musique a beaucoup joué dans ma déception parce que je pense que, enfin, vraiment le film est plutôt bon, mais voilà, je trouve que la musique n'aide pas du tout le film et le dessert complètement, voilà. Donc dommage, vraiment dommage. Pourtant, enfin voilà. et la première déception, j'ai déjà parlé, c'est déjà dans le numéro 1 de mon flop 5, oh. C'est Alien Covenant, parce que j'en attendais trop. Ah. Non, non, non, non. Non, non. Mais non, justement, je t'ai dit que j'ai changé de place, parce que j'ai... Bah oui, voilà. Bah oui. Donc Alien Covenant, parce que j'en attendais tellement. Voilà, c'est vraiment la plus grosse des déceptions cette année. On en a déjà pas mal de craché dessus, que ce soit dans le podcast spécial pour enfin voilà. Ouais, après il nous crachait pas mal dessus aussi. Hein, ah oui, non mais voilà, ouais. on a fait que renvoyer ce qui nous a été envoyé à la gueule. Donc voilà. C'est fini pour les déceptions. Avenue. Voilà, donc on est à l'avant-dernière, et on va faire extrêmement rapidement la BO de l'année, voire les BO de l'année, parce qu'il y en a certains, je ne dis pas qui, c'est moi, qui a fait 3 BO. Voilà. Donc, on va commencer avec Adrien pour la BO de l'année. Vas-y. Ça va aller très vite et on va pas aller dans la polémique. BO de l'année de Justice League. Voilà, parfait. Voilà, je passe mon temps à l'écouter sur mon téléphone. Je trouve que c'est vraiment une très belle BO et très desservi par le fait que le film est un montage sonore catastrophique. Voilà. Très bien. Et ben, tu sais quoi, il y aura un morceau maintenant. On passe à Morgane. Bah pareil, moi, BO de l'année, La La Land, tout simplement. J'ai cru que c'était Justice League. Je me disais, oh, bordel. Le mec a craché tout ce qu'il pouvait sur Justice League. Oui, mais j'aime bien la musique. Je suis dans mon temps. Non, La La Land. Ouais, La La Land, ok. Très bien. Eh ben, écoute, tu auras un morceau maintenant. Eddie. Mm-hmm. Alors, moi j'en ai trois. Ouais. J'ai Justice League en trois, oui. La La Land en deux et Coco en première. Très bien. Et ben, il y aura un morceau juste de Coco parce que on va pas exagérer. Coco. Maintenant, voilà. Say that I'm crazy or call me a fool. Last night it seemed that I dreamed about you. When I opened my mouth, what came out was a song, and you knew every word, and we all sang along to a melody played on the strings of our souls, and a rhythm. We'll live on forever. In every beat of my prime, what I saw Et moi, c'est assez varié. Donc la troisième, c'est Baby Driver, parce que j'ai pris en compte BO, soundtrack, voilà. Je me suis dit, je vais pas me casser la tête, c'est à peu près la même chose. Voilà, les morceaux, c'est trop bien. Moonlight, la deuxième, parce que c'est juste magnifique, il faut la réécouter, mmh. C'est génial. Un morceau maintenant. Finalement, pour finir, parce que je l'écoute en boucle depuis le début de l'année 2007 et ça, pas continu- ça va continuer justement. 2007, ça fait longtemps. 2017, hein. Ça va continuer en 2018, c'est La La Land. Voilà, donc, eh bah oui, donc on a déjà écouté un morceau, je vais pas vous le faire réécouter. Mais voilà, on passe tout de suite à nos attentes 2018. On est à la dernière rubrique de ce podcast qui sont nos attentes 2018. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. C'est à Morgane, vas-y. Donc du 5 au 1, tu fais tout. Voilà. Alors, numéro 5, Cloverfield 3, God Particle. Mm-hmm. Voilà. Oh. Pas du tout de. Il n'y a pas de bande-annonce, il n'y a pas de synopsis. Je sais juste que ça va être un survival dans l'espace. Le film sort en mars alors qu'il devait sortir en février. Il est repoussé, mais voilà, le projet mystère après, après Ten Cloverfield Lane qui était assez monstrueux. Donc mm-hmm. voilà, je l'adorais. Très bien. Et donc, je l'attends. Numéro 4, The First Man de Damien Chazelle. Forcément. J'ai hésité à le mettre, hein, franchement. Ah ouais, non, mais voilà. Je suis content que tu le cites parce que. Oui, oui, non, mais je le cite parce que. Voilà, un biopic sur. Encore une fois, il fait un truc qu'il n'a jamais fait. Voilà, il fait pas un La Land Bis. Bon, il prend Ryan Gosling, il l'envoie dans les étoiles aussi encore. Mais là, par le biais d'un biopic et tout, j'ai hâte de voir ce qu'il va en faire. Et Ryan Gosling dans le rôle, ça promet d'être formidable. Ça m'intéresse pas. Numéro 3. X-Men Dark Phoenix. Alors, que j'attends beaucoup plus par rapport au casting, parce que franchement, bah le casting de ce film-là, bah mais j'attends évidemment. Beaucoup. Oh là là, mais j'attends en plus, beaucoup. Il faut qu'il se justifie, tu bah, sais. Je me justifie parce que je l'attends. Et je vais citer Captain Marvel. Moi, je te comprends. Comment on peut attendre par rapport au film? Moi, je comprends qu'il attend que le film attend par rapport au casting. Mais tais-toi, toi, là-bas. Eh, hey, Adrien, je vais citer Marv, qui m'a dit un truc sur Twitter. Il m'a dit le cast fait beaucoup plus rêver que celui d'Avengers. Mais grave, James McAvoy, Michael Fassbender. Ah, mais le cast, il y a pas de souci, hein, c'est vrai. Voilà, mais ouais, mais, et puis j'ai adoré X-Men Apocalypse, je veux voir la suite et tout. Attends, McAvoy, Jessica Chastain en méchante soi-disant, Fassbender et Bébé Taille. Franchement, mais je veux voir ça, j'adore X-Men, voilà. Numéro 2, Les Indestructibles 2. Mm-hmm. Parce que oui. Bah voilà, le retour de Brad Bird à la réalisation, qui sera forcément qui plus est... le meilleur film de super-héros de 2018. Voilà, c'est ça. Franchement, oui, ça sera pas loin, voilà. Ouais. J'imagine. Voilà. Voilà, parce que voilà, Les Indestructibles 1 était formidable. Brad Bird, j'adore. Hein, Tomorrowland, revoyez-le, voyez-le et revoyez-le. Revoyez-le. Et je suis comme un gosse, voilà, devant ce projet. Voilà, j'ai hâte. Mm-hmm. Et le numéro 1, bah évidemment, ah. Ready Player One. Forcément, c'est étonnant. C'est la surprise. Pourquoi? Parce que Spielberg, j'attends. À mort. C'est pas Pedal. Il fait juste du name dropping. Dis Spielberg et Taylor Sheridan, c'est bon, on l'a compris. Mais, ouais, pourtant, il y a Pentagon Papers qui va. Oui, je l'attends aussi carrément celui-là. Mais ouais. Sur le papier, franchement, Ready Player One, je l'attends, mais comme un dingue. J'espère que ça va être. Franchement, j'espère que tu vas pas être déçu. Et là, je suis vraiment sérieux, hein, vraiment. J'espère vraiment que tu vas pas être déçu. Alors que moi, j'espère qu'il va être déçu. T'es un salaud. Mais je m'en fous, au pire. Non, mais c'est pas que pour. C'est pas pour Ty Sheridan. Oui, un peu quand même, j'avoue, ça motive. Non mais essaie même pas de le cacher, Morgan. Non, mais tu vas y aller ensuite, même sans le casting. Souvenez-vous, quel était le film que j'attendais le plus en 2015? En 2015? Je sais pas, ça compte. Oh là là. 2016, pardon. 2016. C'était Le Bon Gros Géant de Steven Spielberg. Oui, c'est vrai. Donc du coup, voilà. Donc dès qu'il y a un Spielberg, vous pouvez être sûr qu'il est dans mes attentes. Donc ça n'a rien à voir avec Ty Sheridan. Je vous assure, mais. Non, mais c'est cohérent, Morgan, c'est bien. Il y a une plus-value. C'est important, d'accord. Mais franchement, là, la promesse, la bande-annonce que je vois en boucle et en boucle, surtout les 15 premières secondes, je déconne. Non, ouais, voilà. Ouais. Oui, évidemment, Taï, il est là, mais bon, franchement, non, mais c'est Spielberg, pas que pour ça, à la SF, mais c'était mon rêve, quoi. Et puis, et ex-aequo, aller avec Pentagon Paper. Non, voilà. Mais t'as pas le droit de faire ça. Bon, c'est pas grave. passons à Adrien. Bon, alors moi je vais aller très très vite parce que j'en ai 6, mais je vais être très rapide. Et l'autre il fait 6 lui. Ouais, oui, mais très très rapidement. D'abord Downsizing, ça sort très bientôt. Ouais. Par Alexander Payne. Et c'est juste parce que c'est Alexander Payne qui a réalisé Nebraska et Monsieur Schmidt qui sont partis. Donc voilà, donc juste pour cette raison. Ensuite Aquaman, juste parce que c'est DC Comics et surtout parce que c'est James Wan. Alors peu importe que le personnage soit pas terrible dans Justice League, c'est James Wan qui le réalise, donc pour ça j'attends. Ensuite Les Indestructibles 2, ouais. Parce que le 1 était génial, donc le 2 il n'y a pas de raison qu'il soit pas génial non plus, donc je l'attends évidemment de pied ferme. On n'en sait rien pour l'instant et c'est très bien. Ensuite, un film dont on n'entendra pas beaucoup parler, mais qui pourtant devrait plaire, Minuscule 2, Les Mandibules du Bout du Monde. Réalisé par Sabo et Giro, qui avait déjà réalisé Minuscule 1, qui était un très bon petit film d'animation français, s'il vous plaît. Vrai, ouais. Donc, il racontait l'histoire de fourmis, en fait. Mm-hmm. Et donc, voilà, qui vivait des aventures rocambolesques. Et c'est un très très beau film. Et celui-là, je le couple avec Crowman de Studio Hardman, pour une raison. Mais t'as pas le droit de faire ça. C'est quoi ensuite, cette arnaque? On se fait arnaquer. Death and Life of Joseph Donovan. Ouais, non. De Xavier Dolan. Parce que Xavier Dolan. Et parce que Jessica Chastain. Voilà. Et enfin, numéro 1, Morgan, silence. Ah bah oui. C'est évidemment Fantastic Beasts, Crimes of Grindelwald. Les Animaux Fantastiques 2, quoi. Hein, parce évidemment. Que... Voilà, parce que attente totale, parce que j'ai adoré le premier film. Et donc voilà, je trépigne de voir la suite. Et bon, à mon avis, ça va être génial. Et ça m'a l'air surtout très sombre par rapport au premier, déjà, qu'il était pas mal. Donc j'ai qu'une attente, c'est ça. Voilà. Très bien. Eddie. J'ai alors moi, un point. Ah ouais, non, mais t'as triché, et moi je ne tricherai pas, Axel, ouais, parce que moi je suis droit. moi c'est numéro 5, c'est Mulan. Hein. Non, numéro 5, c'est Mulan de Nicky Caro. Ah, putain, j'avais oublié que ce film sortait. Ouais, parce que moi j'adore le dessin animé de Disney et c'est vraiment un excellent Disney. Bah, c'est mon Disney préféré, donc regardez. Voilà, et je me dis que le Disney est tellement génial que l'adaptation live, si elle est bien faite, ça peut être vraiment cool. Un excellent film. Mon Disney préféré, c'est Shrek. Ta gueule. Numéro 4, Ready Player One de Steven Spielberg. Je l'attends, mais j'ai peur parce que c'est, ça peut être très casse-gueule. Numéro 3, Les Animaux Fantastiques 2 de David Yates parce que j'adore le premier. Alors que je ne l'attendais pas, j'étais persuadé que ce serait nul à chier. Numéro 2, Les Indestructibles 2 de Brad Bird. Bah oui. Parce que il y a pas vraiment de raison à donner, quoi. Non, Brad Bird, Les Indestructibles, hein. Vous faites le lien et voilà. Et numéro 1, et non, alors là, j'attends. On sait lequel c'est. Mais alors là, j'attends autant que j'ai peur, c'est Jurassic World Fallen Kingdom de Juan Antonio Bayona. Parce que moi, j'aime. Ah oui, celui-là, je veux bien le voir. Il y a un Malik qui arrive, tu l'as pas cité d'ailleurs. Tiens, je le mets dans mes attentes aussi, allez. Parce que moi, j'aime beaucoup Jurassic World. Et bon, la première bande-annonce. Me plaît sans me plaire, donc on verra quoi. Mais bon, vu qu'elle traduit que le début du film, peut-être que. Mais voilà, j'attends, mais j'ai peur. Mais comme avec Jurassic World, quoi. Oui, voilà, de toute façon, moi non plus, je l'ai pas mis, mais je l'attends quand même un petit peu. Voilà, j'ai fait comme toi, Adrien. mon top 5, du coup, à moi, en 5, il est un petit peu bas, mais bon, voilà. Les Indestructibles 2, je l'attends vraiment énormément. Voilà, Brad Bird, on l'a déjà tout dit. Quatrième, Ready Player One. Et le teaser est trop cool. Voilà, c'est un Spielberg, donc je l'attends énormément. Mais en même temps, j'ai un peu peur du sujet, que ce soit un peu casse-gueule, comme l'a dit Eddie. Donc voilà, je le mets qu'en quatrième, même si je l'attends énormément. Le troisième, Pentagon Papers, parce que c'est Spielberg, et je l'attends énormément. Et puis le casting est fou, et j'aime beaucoup quand Spielberg fait des trucs historiques, même si parfois c'est un peu casse-gueule, comme Lincoln ou des choses comme ça. Mais Le Pont des Espions, c'est génial, donc pourquoi pas. En deuxième, et je sais qu'en deux et en premier, personne ne les a cités, et ça, je suis assez content. Et je sais de toute façon pourquoi. En deuxième, c'est Lilo Chien. De Wes Anderson. Ah, tiens, moi aussi. Non, mais vas-y. De Wes Anderson. Oh non. Voilà, parce que ça a l'air d'être un film d'animation totalement original et vraiment cool. Donc voilà. Absolument chiant. Eddie ne va pas aller le voir. Et je ne lui en voudrai pas. Mais moi, je serai le premier en ligne pour le voir. Et je suis très très impatient de le voir, et je suis très impatient de revoir Wes Anderson à la réalisation. Voilà. Et pour finir, Monsieur Guillermo del Toro sort son film. Ah, mais bien sûr, mais hop, ça fait 10. Vraiment. Je m'en fous, je le vois la semaine prochaine. Alors, tu vas te faire encore plus. La Forme de l'eau, de Shape of Water, de Guillermo del Toro. Il y a tellement de bons retours que ça me donne tellement... en plus, bien sûr, du fait que ce soit Guillermo del Toro, qu'il retourne à un univers un peu fantastique, et que les deux bandes annonces qui sont sorties sont juste magistrales. Voilà, ça me... Même l'affiche est l'affiche, trop belle. Tout me donne super envie, et je pense que, d'après tous les retours qu'on a eus, je pense que le mettre numéro 1, c'est pas... je pense ne... C'est pas déconnant. Voilà, je ne pense pas être déçu. Voilà. Bon, ça me fait un top 10, tout ça, c'est chouette. C'est génial. voilà, donc, on passe tout de suite à la fin de l'émission. When you were here before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. I'm a weirdo. What the heck am I doing here? I don't belong here. I don't care. On est donc à la fin de cette émission. Elle a duré moins longtemps, heureusement, que le top, parce que de toute façon, on n'aurait pas pu faire aussi longtemps. On vous remercie d'avoir écouté cette deuxième partie et la première partie si vous l'avez écouté, j'espère en tout cas, parce que si c'est juste pour nous entendre rager, c'est pas génial non plus. Mais voilà, ça finit sur note d'espoir avec les attentes et c'est toujours bien. Donc je voudrais aussi remercier Adrien, notre invité, d'avoir participé à ça. Ah bah y a pas de problème. C'est plaisir. Voilà. Non mais c'était vraiment cool. Ensuite, bah, bien sûr, je les remercie toujours, mais ils sont géniaux. Donc, comment ne pas les remercier, Morgan et Adrien et je suis désolé. Non, mais j'aime bien deux fois. J'aime bien, ouais. Ça me plaît bien. Morgan et. Tu triches là. Ouais, voilà. Je triche. Je mets tout le monde dans mon top. Voilà. Non, mais merci d'avoir participé, d'avoir pris de votre temps pour faire ça, parce que ça prend du temps. Voilà. Moins que pour toi, je crois. Oui, parce que moi, au montage, ça va être génial, comme tous les ans, de toute façon, je prends toujours beaucoup de temps pour les faire. On va vite rappeler toutes les informations. Donc, moi, vous pouvez me retrouver sur. J'ai oublié, moviesner.net, voilà, pour tout. Moviesner.net, les critiques, les émissions audio, vidéo, etc. Sur Facebook, c'est Moviesner tout court, et Twitter, movies_nerd. Vous pouvez nous noter sur iTunes et PodCloud. Je sais que PodCloud, il y a toujours un souci. J'essaye de régler, mais j'ai pas trop le temps. Bref, je suis désolé. Écoutez-le sur le site en attendant. Ou sur iTunes, hein, ça fonctionne sur iTunes. Donc voilà. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, Sens Critique, Movies Nerd, The Lexal, THELEXAL. Voilà. Adrien, je sais que tu as 3000 projets en préparation, donc je vais te laisser aller en premier parce que. vas-y. Oh bah non, même pas, non. C'est toujours les mêmes. Oui, hein. C'est toujours les mêmes. Ouais. Alors, vous pouvez me retrouver sur Twitter, @deforstuff. Vous pouvez me lire sur smallthings.fr et m'écouter sur le podcast des Four Horsemen et Serial Causer. Voilà, parfait. Morgane. Ah oui, Morgan, ah oui, non, c'est mon micro qui était désactivé. Alors moi, vous pouvez me retrouver sur Twitter, donc @cinemorgan, sur Facebook Morgan Sheridan, sur Vodcaster Cinémaniac, et c'est tout. Très bien. C'est déjà très bien. Hein. Eddie, du coup. Alors, Facebook, Sens Critique, Movies Nerd, Essayez Stark partout, c'est pas compliqué. Parfait. Et YouTube. Ah aussi. Oui, c'est vrai, tu t'es remis, donc allez voir. Et sur Steam, si vous voulez. Voilà. parfait, on vous remercie. Oh bah moi, vous pouvez me retrouver sur Grindr. Hein. Putain. Pour les intéresser. Oh non, Morgane, mais pourquoi tu dis ça maintenant? C'est fini. Morgane. Bordel de merde. Bah écoute, je lance un SOS. Hein. Oh là là. Bref, je sais plus quoi dire. Oh là, mais en tout cas, je croyais que t'allais dire un truc par rapport à la PS4, que t'as Kingdom Hearts, que c'est trop bien. Mais non, ah tu oui, sors sur le PSN. Sors... Oui, voilà, oui, mais... ajoutez-moi maintenant. Ajoutez-moi. Mais le relance pas. Oui, ajoutez-moi. Voilà. Mogo-du-bas Sheridan avec deux O. Mogo-du-bas Sheridan. Ajoutez-moi. Franchement, voilà. Parfait. Vous allez pas regretter. Tu veux pas mon goût, alors. Style non plus. Call of Duty Battlefront 2 et tout. Non, mais je peux plus. J'ai Call of Duty et Battlefront 2. On peut se faire des parties de fils. Non, mais c'est bon, Morgane, je crois que tout le monde a compris. Voilà, merci à vous tous d'avoir écouté, merci à vous trois d'avoir participé. On se retrouve dans un an pour le bilan et dans un mois à peu près pour la nouvelle émission Movies Nerd. À plus, ciao. Salut. Salut. Au revoir.